Chapitre 8e. Pourquoi l'on aime ? Pendant quelques jours, ce fut au Ravenel une série de visites de parents, d'amis, de camarades d'enfance. Il n'est pas qu'en Bretagne, où l'on ait beaucoup de cousins, surtout quand il s'agit de bons dîners, de larges beuveries et fêtes quelconques. Durant ces jours-là, Jacques ne s'appartint pas. Il était le héros du pays. Chacun voulait le voir, l'entendre, le fêter. C'est à peine s'il parvenait à s'échapper avec Madeleine pendant quelques instants, pour revoir avec Fernand les allées du jardin, les sentiers des champs, les chemins dans les bois, si souvent parcourus autrefois. Madeleine s'amusa à s'asseoir comme au premier jour, à jouer avec le Saint-Cyrien, comme quand elle le prenait pour Paulette, et elle lui chanta sa légende. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner aux champs. C'était des joies sans fin. Mais cependant les paroles du braconnier Gervais demeuraient gravées dans la mémoire de chacun, de Madeleine, de Jacques plus particulièrement. « Rappelez-vous, mes enfants, avait dit le vieux braconnier, que pour prendre le bonheur, il faut être adroit, patient, courageux. Il faut le prendre comme un oiseau de paradis dont on ne veut pas gâcher le plumage. » Jacques, lui, s'il se laissait aller au bonheur d'aimer Madeleine, tremblait cependant que ce bonheur, dépendant de la fragilité du cerveau de cette femme adorée, ne s'envolât tout à coup, comme cet oiseau de paradis dont il ne faut pas gâcher le plumage, qu'il faut à peine toucher. Madeleine, de son côté, se redisait souvent. Pour cueillir des fleurs dans le sentier de la vie, j'aurai aux mains de nouvelles blessures, je souffrirai encore. Les paroles prophétiques du vieux braconnier, qui se défendait d'être sorcier, devaient sous peu commencer à se réaliser. Quand on eut le loisir de respirer enfin au Ravenel, quand Jacques et Madeleine purent être un peu plus l'un à l'autre, le capitaine pensa qu'il devait parler à la jeune femme de leur situation, de leur vie. Ils étaient sûrs l'un de l'autre, ils connaissaient leur profond amour l'un pour l'autre. Pourquoi ne pas établir définitivement leur existence ? Maintenant, Madeleine pouvait dire aux Dalmay, la vieille mère, à Ernestine, sa confidente, combien elle aimait Jacques. Il se plaisait à entendre ses braves femmes lui dire combien Jacques l'aimait, et combien, avant de connaître l'éveil du cœur de Madeleine, il souffrait d'aimer la fée d'amour. La situation, toutefois, devenait anormale pour eux deux. Madeleine, jolie, jeune, aimante, ne pouvait indéfiniment, même dans les conditions où elle y était venue, demeurer toujours ainsi dans cette maison, où se trouvait à présent un beau et vaillant capitaine qu'elle aimait et qu'il adorait. Ce fut l'avocat Thérion qui, voulant avancer le bonheur de ses deux amis, le rendre complet, souleva cette délicate question. À quand le mariage ? Demanda-t-il en riant un jour qu'il se trouvait avec les deux amoureux dans le jardin. Le capitaine ne répondit pas. Il n'osa pas regarder Madeleine, qui, elle, devait donner la réponse. Mais Madeleine devint tout à coup très pâle. Elle tressaillit et douloureusement elle balbutia. Le mariage. Quand le mariage ? L'avocat mit ce trouble sur le compte de l'émotion heureuse. Sans doute, reprit-il, sans doute, vous vous aimez assez tous deux. Vous n'allez pas rester là, à recouler indéfiniment, mais vous vous êtes assez attendu comme cela. Vous vous êtes assez mérité, assez gagné. À quand la récompense ? Madeleine étendit les mains. Assez, mon ami, dit-elle douloureusement, assez. Ne me parlez plus de cela, le mariage. Mais vous savez bien que c'est impossible. Et elle éclata tout à coup en sanglots violents. Elle se laissa aller à une crise de larmes pénible. Jacques et l'avocat demeurèrent stupéfaits, pleins d'angoisse, n'osant bouger, ne trouvant pas un mot à dire devant ces douleurs poignantes, aussi soudaines qu'inexplicables. « Ah, mes amis !» dit encore Madeleine. « Ah, mon bon Jacques, que je suis malheureuse !»« Madeleine !» voulait dire le capitaine. « Ma chère Madeleine, pourquoi vous trouvez-vous malheureuse ? Pourquoi ? Parlez, dites-nous. Non, une autre fois, plus tard. J'ai trop de peine aujourd'hui. » Elle s'éloigna. Jacques voulut la retenir. « Madeleine, je vous en prie. Non, laissez-moi pleurer. » Et quittant les deux amis, elle revint à la ferme où elle s'enferma dans sa chambre pour dégonfler à son aise son cœur subitement oppressé. Le capitaine, quand l'image blonde et rose de Madeleine eut disparu, se tourna vers l'avocat. Thérion semblait navré. « Je n'y comprends rien. Je ne vois pas la raison de cette soudaine explosion de douleur. » Le cœur gros, l'âme en dérive, le capitaine attendait cependant que son ami lui donnât l'explication ou lui fut connaître la vérité sur cet incident douloureux et étrange. « Rien, dit Thérion, rien dans la conduite, dans les paroles, je puis même lire dans la pensée de Madeleine, ne pouvait me faire prévoir une scène pareille. « Elle était heureuse, là, à côté de nous, » fit Jacques. « Elle riait de son joli rire d'enfant. Le bonheur luisait dans ses yeux bleus, et tout à coup, quand vous avez parlé de notre amour, qu'elle proclame, de mariage, c'est le mot mariage qui me semble avoir fait jaillir sa douleur. Pourquoi ? Je l'ignore. En vérité, je l'ignore. » Le capitaine tristement déclara. « Je crois pouvoir comprendre, moi. Voyons. Madeleine, paraît-il, est très riche. Trop riche pour moi. Je suis, moi, fils de paysan, enfant d'un fermier. Les biens de mon père, ses terres, ne peuvent se comparer à la fortune de cette jeune femme. Et mes galants d'officier sortis du rang, de capitaine n'ayant que son grade, sans titre, ne lui semblent pas un avantage suffisant. » L'avocat interrompit le capitaine. « Vous êtes dans l'erreur, mon ami. Madeleine est au-dessus de ce sentiment de vanité déplacée. Son cœur est assez haut pour ne pas voir le titre vain et nul, mais bien l'homme que vous êtes, le bon officier, le vaillant et noble cœur. Madeleine en vivant chez les Porfilets d'abord, puis ici chez vos parents. À présent, vous prouve qu'elle ne vous fera pas reproche d'être le fils de paysan. Alors, mon cher ami, c'est que nous nous sommes tous trompés sur les sentiments de Madeleine à mon égard, dit Jacques. Comment cela ? Interrogea Thérion. Ce que nous avons pris chez elle pour de l'amour n'était que de la bonne et tendre affection. C'est que son esprit, malgré tout, est encore malade, puisqu'il ne lui a pas laissé voir que cette affection, cette amitié de frères et de sœurs, qui doivent être les nôtres, elle les poussait jusqu'à la tendresse d'amoureuse, jusqu'à l'apparence d'amour. « Vous êtes encore dans l'erreur, mon ami, » dit l'avocat, « tout aussi complètement dans l'erreur que tout à l'heure sur ce point, croyez-vous. Depuis votre départ, j'ai vu souvent Madeleine, très souvent, ici, à Paris. Je suis son camarade, son compagnon, son ami. Plus que tout autre donc, en ma qualité à la fois d'avocat et d'ami, je suis bien placé pour connaître et établir la vraie situation. Pour comprendre la différence qu'elle fait entre celui qu'elle aime comme un frère, qui est moi, et celui qu'elle chérit d'amour, qui est vous. Ses sentiments ont pu subir depuis mon départ un changement. Je n'en vois pas la cause. Peut-être cette tendresse très grande en effet qu'elle me témoignait autrefois était-elle due à sa démence. Elle ne se rendait pas compte de ce sentiment. Elle m'aimait, mon cher, comme elle croyait voir Paulette dans Fernand. C'était une illusion du cœur, une erreur de son âme blessée. « Non, mon ami. Comment cet amour pour vous est-il venu ainsi tout à coup et si fortement dans son âme blessée ? Comme vous dites, c'est un mystère que le docteur Lobel explique à sa façon par la théorie des affinités. Moi, qui ne suis pas savant, je ne mets pas tant de documentation dans la naissance de l'amour et je déclare que Madeleine nous a aimés parce que dans l'écroulement de sa vie, elle a vu en vous le sauveur, parce que dans sa détresse, emportée par le courant du malheur, elle s'est accrochée à vous, parce qu'enfin vous êtes venu combler le vide de son cœur, parce que vous avez été le baume qui pansa à la plaie de sa pauvre âme. Pour mille autres raisons, elle vous aima, parce qu'il fallait qu'elle vous aimât, parce que c'était écrit, comme disent les fatalistes orientaux, parce que Dieu a voulu qu'il en fût ainsi, comme on dit chez nos croyants. Ne cherchons pas plus loin, l'amour n'a pas d'autre raison. On aime parce qu'on aime. Voilà tout. La science des docteurs, les explications des psychologues ne tiennent pas devant ce simple fait. On aime parce qu'on aime. D'accord, j'admets votre théorie. Et elle s'applique sans doute parfaitement à Madeleine et à moi. Mais quand l'amour de Madeleine pour moi prit naissance d'instinct, comme vous dites, Madeleine n'avait pas sa raison. Aujourd'hui, la raison est venue corriger l'instinct. Et Madeleine s'aperçoit de l'erreur. Elle ne veut pas aller plus loin. Elle se reprend de même qu'elle a reconquis son intelligence. Non, j'ai craint cela aussi, au réveil de son intelligence. Il se pouvait en effet que cet amour instinctif s'effaçât au fur et à mesure que la raison revenait. Mais il n'en fut rien. Depuis votre départ, malgré l'éloignement, bien que vous fussiez loin de ses yeux, vous étiez toujours présent à son cœur, et son amour n'a fait que s'affermir, que grandir. Vous êtes sa vie, sa raison d'être à présent. C'est en vous qu'elle place son bonheur. Le capitaine eut un douloureux sourire. « Mais elle se sauve, cependant, dit-il, quand vous lui parlez d'être ma femme. »« J'avoue franchement, dit l'avocat, que je ne comprends pas, que je ne vois pas, que je ne m'explique pas la cause de cela. » Jacques demanda encore. « Lui avez-vous déjà parlé de mariage ?»« Non, vraiment. »« Voilà. Mais c'était inutile, franchement, entre nous, quand nous parlions de vous. C'était, à mon sens, affaire convenue, entendue. Vous dirai-je de plus qu'elle m'a chargé de faire reconstituer les papiers la concernant, son état civil, qui ont été détruits, la tilleuse. Vous dirai-je que tout est prêt, que les pièces se trouvent dans mon cabinet et qu'il n'y a plus qu'à faire établir par maître Grimois, son notaire, le contrat de mariage. » L'avocat conclut. « Je ne comprends pas cette échappée douloureuse. » « Peut-être, insinua le capitaine, que le souvenir de l'autre, du comte de Saint-Rion, du père de son enfant, est revenu. « Oh !» s'écria l'avocat, « s'il n'y a que cet obstacle, mon cher, rassurez-vous, nous saurons bien le jeter par terre, mon rigide cousin, monsieur Duranton et moi. Ce qui veut dire, fit Jacques étonné, l'avenir vous répondra. » Sur les Ramenelles, ce jour-là, il y eut comme un voile de tristesse. De la tristesse déjà, et les fleurs cueillies par Madeleine pour le retour de Jacques n'étaient pas encore fanées. Madeleine resta dans sa chambre, se disant souffrante. Elle ne voulut voir personne, ne mangea point, mais l'oreille collée à la porte, Ernestine l'entendit sangloter. Et la vieille mère d'Almay qui vit, malgré le sourire voulu, malgré le hâle du soleil d'Asie qui masquait la pâleur du visage du capitaine, la douleur de son fils, la vieille mère, comme au premier jour, quand commença à fleurir cet amour, embrassa longuement son enfant dont elle sentait l'immense peine. « Ah, mon fils, dit-elle, mon pauvre petit. » Pour elle, toujours, Madeleine était la fée dont l'amour prend la vie des malheureux qu'il aime.